galerie Est, non loin de Wish City. Si Booz était venu dans la galerie sous le grand trou qui distillait sa lumière de plus en plus rouge, de plus en plus brillante, c'était pour me dire adieu. Et si Mila nous avait rejoints, c'était uniquement pour m'empêcher de partir. Elle tenait dans sa main un tas de feuilles qu'elle disait avoir subtilisées au palais, dans le bureau du ministre contremaître de Wish City. Et une sacoche brune pendait à son épaule. Mais on n'est que trois, Mila. Comment on pourrait défendre Wish City? Ça change rien que je reste ou pas. Ferme-la. Tu me les brises à coups de pelleteuse, là. Agenouille-toi. Elle s'est mise à genoux, étalant les feuilles sur le sol. Un plan. C'était un immense plan du royaume Bifwish. Un immense plan des galeries naturelles ou creusées qui avaient été colonisées par les gnomes durant des milliers d'années. C'est quoi, ça? Booz s'est assis en tailleur à côté d'elle. Des feuilles. Non. Un plan. C'est un plan. Oui, mais c'est un plan, et alors? Un plan des galeries. Vu comme ça, on dirait que c'est une succession de salles, avec des portes. Ça se ferme, des portes, non? C'est la solution pour repousser les rats. Je me suis agenouillé à mon tour. J'ai croisé son regard, je commençais à comprendre. Et ça me faisait atrocement peur. Oh non non non non non non non non. Oh si si si si si, Squeak. Les creuseurs, ça sait creuser. Ça connaît la terre. Vous comprenez là? Hors de question, à trois on n'arrivera jamais. Qu'est-ce que je dis moi? À deux, on n'arrivera jamais. Vous risqueriez de vous casser un ongle. Je me suis levé, leur tournant le dos, et j'ai rejoint la corde, toujours pendue. C'est pas seulement ça. Moi je suis la tête, vous êtes mes bras. Vous comprenez, là. Et moi, je comprends pas ce que vous comprenez. Des portes, Squeak. C'est pas une bonne idée, ça? Les galeries, ça se bouche. Vous voulez boucher des galeries? La fille du grand dirigeant est aussi timbrée que son père. Pas seulement boucher des galeries, Booz. Et alors? Tu veux faire quoi? Repousser les rats avec nos petits bras de Bifwish? On n'y arrivera pas par la force. On n'est pas assez, pas... Enfin bon, t'as vu comment sont les rats? Ils sont pas normaux, en plus. Notre seul moyen vient de là. Elle a pointé un doigt vers sa tête. La sacoche brune pendue à son épaule paraissait lourde. Tu veux donner des coups de boule aux rats? Tu veux enfermer les rats dans une galerie, hein? Des milliers de rats dans une galerie! Encore faudrait-il qu'ils attaquent d'un seul et même endroit. Non! Je veux qu'on les appâte pour que leur seule sortie soit ici, dans la galerie Est, au grand trou. Qu'on les enferme pour qu'ils meurent, non! C'est pas par compassion pour eux que je dis ça. C'est juste qu'avec une sortie, ici, ils ne chercheront pas forcément à raser Wish City. On connaît les galeries, Mila. C'est des kilomètres de tunnels qui entourent Wish City et qui rejoignent le territoire des taupes. On n'arrivera jamais à tous les ramener ici. Vous pouvez y arriver tous les deux. Pas deux? Boucher des galeries? Vous avez le matériel. Des pioches, des bouts de métal, oui. On peut faire des portes de métal ou provoquer quelques éboulements pour boucher certaines galeries, oui, mais pas toutes. Il faudra les faire exploser, mais on n'a pas de... Mila fouillait sa sacoche pour en ressortir. De dynamite? Finalement, c'est encore plus cool que je pensais d'être la fille du grand dirigeant. D'accord. D'accord, mais comment les amener ici? Par les tunnels de secours? Trop petit. Il faudrait ouvrir la porte que votre père a bouchée. Toujours la dynamite! Mais ça va se remarquer! Et puis préparer un réseau de dynamite, de portes en ferraille. Enfin, un immense piège, quoi, pour contenir les rats, ça va prendre au moins 2 semaines à deux. C'est peut-être le peu qui nous reste, Squeak. S'il nous reste moins de temps que ça. Au moins, on aura essayé. C'est complètement malade comme idée. Le but, c'est de jouer les appâts aussi, hein? Ouais. Oui, il faut trouver comment se répartir les tâches, mais on y arrivera. Et pourquoi? Pourquoi on préviendrait pas les autres creuseurs? Il nous donnera un coup de main. Non, mon père serait prévenu. Il veut faire tellement simple avec son armée à la con qu'il comprendrait pas que le seul moyen de repousser l'armée de Ratis, c'est de faire compliqué. Piéger les rats, ici. J'ai levé la tête vers le grand trou. Oui, évidemment. Ça fermerait définitivement cette galerie. On pourra plus voir le grand trou, alors. On ne pourra jamais voir l'autre monde. Mais c'est peut-être le seul moyen. Squeak, je t'en prie. Je suis à genoux devant toi, alors que normalement, je suis la fille du grand dirigeant, quand même. Fais-moi confiance. Il ne s'agit pas que de nous, c'est la vie de millions de Bifwish qui va se jouer. Elle est jouée d'avance, si on fait confiance au choix de mon père. Ils portent des robes. Bon, d'accord, c'est la tunique des grands dirigeants, mais quand même, ça reste une robe. Moi, je suis partant. Squeak, Booz, tu sais même pas à quel point c'est fou. C'est même inconcevable que ça puisse réussir. On parle pas de rats, là. C'est plus de 10 000 rats qu'il faut piéger dans une ou deux galeries. Ils ne connaissent pas les galeries comme vous, les creuseurs, vous les connaissez. On peut facilement les perdre. Ils ne viennent pas de Wish City. Squeak. J'ai baissé la tête. Un monde inconnu contre un monde que je connais. Bah, sauvons le monde que je connais. Au moins, je suis au courant du peu que je gagne. Ça marchera, Squeak. Ça marchera. Bah, Fouiche.